Bon, ce soir, le sujet, s'engager librement. Évidemment, c'est un paradoxe parce que s'engager, ça a l'air d'être une forme de prison, si on peut dire ça de même. Et puis être libre, ben, c'est comme si tu as accès à tous les espaces voulus. Donc, quand on se retrouve à regarder le sujet comme s'engager librement, ça suppose qu'il y a effectivement beaucoup d'esprit dans le mot engagement pour donner tout l'espace voulu à l'entente, au contrat ou à la formulation d'une attente quelconque dans le futur qui permet aux individus de s'ajuster selon la nature des événements. Ce qui veut dire que si on parle d'engagement au niveau de l'âme, on est automatiquement dans un lien qui va aller vers une sorte de cadre très restrictif. Et quand on dit un cadre restrictif, j'entends souvent le fait que c'est aussi restrictif qu'une personne a saisi un moment donné, une expérience donnée, et a établi des mesures dans cette espèce d'expérience donnée pour dire, je m'engage sur ça. Ça ne tient pas compte que les événements peuvent installer des variations. Ça tient strictement compte de besoin que l'ego a d'accéder à un résultat donné. Donc, souvent, l'âme va établir un lien qui est restrictif par le fait, c'est pas parce qu'il veut que ce soit restrictif, mais par le fait, d'une insécurité qui vise à se donner des garanties sur le cadre. D'ailleurs, le problème de l'âme, c'est toujours cette forme d'insécurité qui est tout le temps latente. Qui est basé sur justement le manque d'expérience et souvent l'engagement que les gens prennent, que ce soit exemple le mariage, on s'engage pour la vie, ça tient pas compte de certains facteurs individuels dans la structure de couple qui exigent à un certain moment donné une mobilité réellement personnelle qui n'implique pas le fait d'être les deux là, dans la situation. Tu peux pas avoir deux personnes qui évoluent de la même façon dans le temps, c'est impossible. Ils vont tout le temps avoir des variantes parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même programmation. Mais l'âme, elle cherche à se donner une sécurité en fixant des critères ou des règles ou des ententes qui formulent des attentes qui donnent avec le temps une rigidité et donc un aspect très restrictif. Quand on s'en va dans un engagement qui est au niveau de l'esprit, la dynamique est un peu comme basée sur une vision. C'est comme on a comme une entente de se rendre dans un mouvement évolutif, mais on se garantit de s'ajuster mutuellement dans le mouvement parce que justement, on laisse l'espace aux événements de comme nous ajuster pour nous faire voir que parce qu'on est évolué ou on a évolué ou qu'on est capable d'évoluer, on peut avoir des besoins différents ou nouveaux dans le temps. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que l'âme, elle essaie de fixer ça dans un temps immédiat. Pareil comme si, exemple, dans 10 ans, tu vas être encore pareil comme à 20 ans, mettons. Fait que tu dis, bon, moi, je m'engage, puis... À 30 ans, ben là, il faut qu'on ait telle affaire, telle affaire, telle affaire, comme acquis, comme position, comme comportement, ces choses-là. Alors qu'à 20 ans, tu as des perceptions qui sont pas encore matures, qui sont pas encore t'as pas exploré ton individualité, t'as même pas la certitude d'avoir de l'identité. Fait que tu te retrouves 10 ans plus tard avec une évolution qui cadre pas du tout avec l'engagement que tu as pris à la base. Fait que l'âme, c'est restrictif à cause de ce plan-là, c'est que ça tient pas compte d'un changement. Tandis que l'esprit, lui, il a une vision. Il sait que dans sa vision, il s'engage à créer des conditions qui favorisent l'évolution des deux partenaires ou du groupe avec l'individu, mais qui est adapté. C'est une vision qui s'adapte aux événements. Fait que si on parle d'événements, on parle inévitablement d'individus qui participent aux événements. Et c'est comme si on se disait, bon ben moi, quand je m'engage, mettons, dans le projet d'un travail, je ne sais pas dans le travail qu'est-ce que je vais être devenu dans 10 ans. Mais dans 10 ans, selon ce que je serai devenu, je vais tout le temps garder une ligne directrice, exemple, de fidélité à l'entreprise. Et dans l'entreprise, j'aurai le rôle qui me sera permis de jouer à ce moment-là et non pas un rôle que je me fixe comme un plan de carrière. Comprenez-vous? Fait que, tu sais, le gars, il va dire, je m'engage à être ingénieur, il se fait un plan de carrière, puis il devient excessivement rigide parce que c'est toujours juste son plan de carrière. Tandis que dans l'esprit, le gars, il commence comme ingénieur, puis il peut finir comme administrateur ou même gestionnaire avec ses talents d'ingénieur. Fait qu'il s'est adapté aux besoins de l'entreprise. Puis si, à un moment donné, il voit que c'est plus profitable à l'entreprise d'être gestionnaire, il va laisser son rôle d'ingénieur. Il se fixe pas un plan de carrière rigide sur le fait d'être ingénieur. Il va s'en aller vers la gestion parce qu'il va dire, bon, mon expérience va me permettre de parler avec d'autres ingénieurs, mais je suis plus efficace comme gestionnaire. Bon, ça peut être la même chose pour un gestionnaire qui est pas heureux du climat dans lequel ça se passe. Il veut être dans un domaine plus conceptuel, puis là, il dit, ben j'aimerais mieux être ingénieur, puis là, il va perfectionner ses études pour que dans l'entreprise, il s'en aille vers le côté engineering. Tout ça pour dire que avec de l'esprit, tu t'accordes à une vision qui s'adapte continuellement aux événements pour pouvoir justement permettre une grande flexibilité à l'activité cérébrale de chaque individu. Là, je parle de s'engager surtout sur un relationnel de deux personnes, mais l'engagement, ça peut être... Bon, vous donner mon propre exemple personnel. J'avais 16 ans, je me suis engagé à gagner mes vies avec l'astrologie. OK? Mais quand j'ai creusé bien à fond vers la trentaine, ce que j'avais vécu avec l'astrologie, ben je me suis rendu compte que mon intérêt de base, c'était de faire de l'astrologie, mais que les vies m'avaient enligné sur les tarots. Les gens consommaient beaucoup plus de tirages de cartes puis de lignes de la main que d'astrologie. Donc, a priori, je m'étais engagé à être astrologue, mais avec les années, je me suis rendu compte que c'était l'invisible, l'occulte, la perception du futur que les gens consommaient, et puis que le meilleur outil pour faire ça, c'était le tarot. Donc, j'ai fait des milliers de tarots et j'ai fait des centaines de cartes du ciel. OK? Donc, si je vous donnerais une proportion, je dirais que j'ai fait 10% d'astrologie puis 90% de tarot dans ma vie. OK? Ce qui veut dire que si j'aurais pas eu d'esprit, j'aurais fixé sur l'astrologie et j'aurais pas été capable de gagner ma vie. Tandis qu'en étant plus dans l'esprit, j'avais plus une vision de la consultation avec un médium occulte et tout ce qui touche l'invisible, les prévisions, et je me suis adapté au marché. Donc, je me suis adapté aux événements qui m'imposaient dans un sens d'aller plus vers le tarot que vers les cartes du ciel. Vous savez? Mais aujourd'hui, si les gens essayent de me reconnaître sur des bases, on va dire, avant Bernard, il me regarde comme un astrologue, alors que c'est pas ça qui m'a fait gagner ma vie. Ce qui m'a fait gagner ma vie, c'est les tarots. Et mon intérêt pour l'occulte, pour l'invisible, parce que les gens aimaient ça se faire raconter des histoires sur la magie, puis toutes ces choses-là. Fait que comme je lisais beaucoup, ben je pouvais, entre les breaks, là, quand je faisais pas de tarot personnel, ben des fois, je prenais un break, quand tu fais 14-15 consultations dans une soirée, et j'allais à domicile à l'époque, fait que là, j'étais m'emmené après 5-6, j'avais besoin de prendre un petit break, un petit café, comme on dit. Puis là, ben, j'allais lui conter des histoires d'astrologie, pas d'astrologie, mais d'occulte, puis d'invisible, puis tout ça. Fait que l'esprit m'a obligé à m'adapter. Puis quand j'ai passé, exemple, à Bernard, ben là, à Bernard, on n'était plus ni dans le tarot, ni dans l'astrologie. On était dans une perception de l'invisible qui avait une autre consonance que l'ésotérisme. Et là, encore là, je me suis adapté. Là, on va dire, as-tu brisé ton engagement jeune? Si on regarde du point de vue de l'âme, oui, j'ai brisé mon engagement jeune. Si je le regarde du point de vue de l'esprit, non. Mon engagement était libre par le fait que je suis demeuré dans les phénomènes d'occultisme ou d'invisibilité ou de force parallèle. Donc, occulte, ça veut dire caché à l'œil. OK, en latin, quand on défait la racine latin de ocus, c'est l'œil, culte, ça veut dire caché. Fait que on a un gars qui s'est adapté aux événements et puis qui a gardé un lien constant dans un engagement constant au domaine de l'occulte. Si, disons, demain matin, je donnais plus d'importance ou d'amplitude à des compétitions de tir pour gagner ma vie, là, je briserais un engagement parce que là, je suis plus dans l'occulte. Vous me suivez? Là, il y aurait comme, wow, là, je débarque. Là, c'est comme, je prends ma retraite, puis je me sors de l'invisible, puis des conférences, puis des consultations, puis je m'en vais dans une compétition de tir. Je pense pas que quand tu es engagé, surtout quand tu es perçu au niveau des forces psychiques, que tu puisses le faire. J'ai des sérieux doutes là-dessus. Fait que je pense plutôt que c'est un passe-temps actif, relativement rentable, en tout cas qui s'autofinance, mais de là à dire que tu peux en vivre, c'est un autre paramètre. Donc, on peut considérer, dans l'exemple que je viens de vous donner, qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont partis par une expérience avec un engagement lié à l'âme, avec beaucoup de rigidité, avec beaucoup de fixité sur des objectifs, comme je dis, un plan de carrière ou un mariage qui se veut très, très restrictif dans un laps de temps assez long. Et c'est là que on voit qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce que l'esprit pousse très, très, très fort sur la planète à mettre le monde en vibration et à les placer dans une mobilité. Et quand j'ai fait une CD sur le couple ou l'association, puis j'ai dit l'esprit pousse plus à l'association, l'âme pousse plus au couple, bien, quand vous avez une poussée de l'esprit, vous avez automatiquement une poussée vers le mouvement et vers la mobilité. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on s'engage sur une dynamique d'esprit, c'est une vision qu'on a. C'est comme une pulsion très forte au niveau de la vibration qui nous dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et c'est comme une sorte de découverte très occultée de notre mandat sur la planète, du qu'est-ce que les forces veulent faire avec nous autres. Parce qu'on part toujours du principe qu'on est des messagers et puis que le message, c'est lui qui dicte aux messagers où se rendre ou quoi faire. Donc, si on parle d'engagement, on parle ni plus ni moins que d'une reconnaissance d'un mandat psychique basé sur ce que votre esprit fait de vous autres. J'ai toujours la fameuse image d'une personne qui se compare à un ordinateur, l'ego, et à un programme qui est l'âme. Fait que vous avez un programme dans l'ordinateur, donc vous avez une programmation d'âme dans un ego, et votre ego, lui, ben, il va présenter ce qui est tapé au clavier, puis ce qui est tapé au clavier, c'est votre double, c'est votre contact. Votre contact, c'est lui qui dicte à l'âme l'utilisation du programme et comment l'ego va répondre, donc l'ordinateur. Partant de ce point-là, quand l'âme se crée un engagement, elle se crée un engagement sur les paramètres de la programmation du logiciel que vous avez. Vous avez un logiciel qui a une limite, qui a une définition d'une limite, et puis l'âme, elle, c'est simplement les possibilités. Donc, l'engagement d'un traitement de texte, c'est pas l'engagement d'un chiffrier électronique, on s'entend, et encore moins d'une base de données. Donc, l'âme est aussi engagée sur sa fixité ou son caractère restrictif que les paramètres de sa programmation. Fait que vous n'êtes pas, entre guillemets, responsable de vos restrictions. Vous êtes simplement programmé et à l'intérieur de votre programmation, il y a des restrictions. Quand vous arrivez au niveau de l'esprit, l'esprit compose aussi avec les restrictions de l'âme parce qu'il travaille avec un programme. Mais c'est quand même lui qui a l'élément le plus mobile du lot. Parce que à l'intérieur des paramètres de l'âme, il peut faire ce qu'il veut, mais toujours, comme j'ai dit, à travers les paramètres de l'âme. Il peut pas bâtir des grosses bases de données avec un traitement de texte, mais il peut faire beaucoup de liens. S'il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup de liens possibles qui vont ressembler dans le traitement de texte à de la base de données. Exemple, il fait une liste d'adresses, c'est pas fait sur une base de données, mais il peut être assez facile avec... certains aspects, on appelle ça des macro-commandes, il peut être assez facile de faire des recherches avec des macro-commandes dans des traitements de texte. Ça demande un esprit évolué. Donc, un esprit évolué avec un âme qui a des restrictions, ça peut quand même faire oublier beaucoup de restrictions à l'âme, mais il y a quand même une restriction dans l'expression du mouvement de l'esprit. Mais avec de l'esprit, tu as déjà une marge de manœuvre, donc une vision qui s'adapte aux événements d'une façon assez flexible parce que c'est lui l'élément intelligent qui peut se servir de la programmation puis de l'ego. Faites toujours le parallèle entre l'âme et puis un programme informatique et puis l'ego puis le computer comme tel. Tu sais, ses capacités de calcul, son, sa mémoire, son disque dur, etc., etc. Donc, si vous avez le mot « engagé » vu du point de vue de l'esprit, vous avez un engagement à une d'utilisation. Donc, c'est pas le résultat qui compte. Il y a bien du monde qui me disent « qu'est-ce qu'ils veulent les forces? » Ça, je l'entends, celle-là, là, c'est hallucinant. Les forces, ils veulent t'utiliser. Ils veulent que tu vibres. Ils veulent pas avoir d'autre chose que l'expérience qui va se dégager de l'utilisation de ton programme et de ton ordinateur, étant ton ego. Bon, tu as un ego, tu as une âme, il y a une potentialité avec l'ego et l'âme. L'esprit, lui, va aller au maximum de ce qu'il est capable de faire avec ça. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qui va rester? Ça, c'est pas tellement ça qui est important. C'est qu'est-ce qui va se vivre qui est important. C'est pas comment tu vas arriver à un résultat. C'est qu'est-ce que tu vis pour te rendre au résultat. Fait que si vous regardez l'esprit en termes de résultats, dans le sens de qu'est-ce qu'ils veulent nous amener à vivre ou à faire, regardez comment vous le vibrez, puis ils peuvent vous faire passer dans une expérience 45 fois s'il y a 45 vibrations différentes. C'est pas important pour eux autres, le résultat. C'est pas important le comment tu finis. Ils veulent voir autant quand tu as zéro que quand tu as 100%. Ils sont aussi intéressés par les deux situations. Qu'est-ce que tu vibres quand tu es à 0%? Puis qu'est-ce que tu vibres quand tu es à 100%? Qu'est-ce que tu vibres quand tu perds? Puis qu'est-ce que tu vibres quand tu gagnes? Ils sont aussi intéressés à un qu'à l'autre. Donc, quand vous vous engagez puis que vous avez une perception de l'esprit, et quand vous vous engagez, vous avez une perception de l'âme, c'est deux mondes complètement différents. Parce que dans l'âme, on veut un résultat qui est meilleur que quelqu'un ou quelque chose. Dans l'esprit, c'est une mesure de toi-même avec ta source. Parce que ce qui est immortel, c'est ça qui continue. Donc, c'est ce que l'esprit pitonne au computer qui est important parce que c'est lui qui est immortel. Ton computer, il va être désuet dans pas grand temps. Ton ego, en d'autres termes, il y a une date d'échéance. Puis ton programme dans l'ego a ni plus ni moins qu'une limite. Et puis, l'esprit va aller chercher d'autres programmes plus perfectionnés, version 2, version 3. Il y a un gars qui me disait l'autre fois, il dit, j'ai demandé à un de mes amis qu'est-ce qu'il pensait de la réincarnation. Puis il dit, c'était un gars d'un autre pays. Il dit, la réincarnation, moi, il dit, c'est une cassette vidéo chez Vidéotron. Tu viens au monde en choisissant ta cassette vidéo, puis tu vis ta cassette vidéo. Puis quand ta vie finit, tu vas te chercher une autre cassette vidéo, puis tu vis un autre. C'est bon, ça. C'est bon. Mais c'est pas la cassette vidéo qui est le show. C'est qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes la cassette vidéo. Qu'est-ce que tu vis quand tu regardes la cassette vidéo? Tu peux regarder un film 4 fois, puis 4 fois, tu vas vibrer différemment. C'est ça qui intéresse l'esprit. Qu'est-ce que vous vibrez? Pas qu'est-ce que vous faites. Ils n'en ont rien à serrer. Ils connaissent déjà la fin, first. Parce que la cassette vidéo, ça fait 3 fois qu'ils l'écoutent, eux autres, là. Ils veulent juste voir les facettes du film qu'ils n'ont pas vu la première fois que ça a passé, façon de parler. Fait que de l'esprit, c'est au-dessus du résultat. Mais de l'esprit est très, très intéressé à comment tu vibres les choses. Un chat, moi, j'en ai des tonnes chez nous. Il n'y a pas un chat qui est pareil. Pourtant, un chat, c'est un chat. Mais il n'y a pas de chat qui vibre les mêmes choses. Il y a des chats qui vibrent d'une certaine façon l'affection, il y en a d'autres choses. Puis ça varie. Tu as 30 chats, tu as 30 comportements différents. Donc, pour moi, qui est un esprit pour eux autres, je fais une étude de comment ils vivent leur vie de chat. Pourtant, une vie de chat, c'est assez limité. Ça mange, ça chie, ça dort. Point final. Puis ça se tiraille de temps en temps, ça s'accoupe, point final. C'est réellement pas compliqué, mais ça vibre pas pareil. Et nous autres, on est comme des animaux pour les forces, dans le sens que ils nous regardent vivre, puis ils savent, de par notre programme, les conséquences de nos actes. Fait qu'ils savent que si on fait les choses de telle ou telle façon, on va inévitablement en arriver à tel résultat. Parce que pour eux autres, les probabilités, il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est tel acte, telle conséquence, tel acte, telle conséquence. Par contre, tel acte, tu vibres quelque chose, même si tu arrives à la conséquence, que tu vibres, qu'il y a une variante là-dedans qui est très différente d'une conséquence à l'autre. Fait que 100% pour toi, 100% pour lui, 100% pour elle, c'est 300% avec des vibrations qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Parce que vous avez des programmations différentes, puis vous n'avez pas nécessairement une façon de traiter avec le succès qui est pareil d'une personne à l'autre. Un autre va avoir un très haut niveau de réflexion, l'autre, il va avoir zéro réflexion. Il y en a peut-être un qui va savoir que, bon, s'il réfléchit, son résultat va être moins permanent que s'il réfléchit pas. Puis, il y a des constats qui se font. Et puis, dans le même 100%, tu vas avoir, dans le résultat, tu vas avoir une lecture de l'esprit qui est très différente face aux événements. Et un esprit peut vous ajuster plus rapidement si vous avez une meilleure connexion avec lui, parce que vous n'allez pas réfléchir l'entente ou le lien qu'il y a avec le résultat. Tu veux dire, moi, si j'ai tel résultat, je vais étudier dans telle chose. L'esprit va dire, même si tu n'as pas un bon résultat, continue d'étudier là-dedans. Mais où? Il n'y a pas de conditionnement dans l'esprit. Dans l'âme, il y a toujours une condition. C'est à condition que je fasse telle chose, à condition qu'on me donne telle affaire. Moi, si les forces veulent que je fasse quelque chose, il va falloir qu'ils me donnent ça. Je l'ai entendu souvent dans ma vie. Ouais, moi, là, contact, là, pas contact, là. Si j'ai pas ça, là, la semaine prochaine, là, fuck out les forces, là. Fuck out. Ouais, fuck out. Laisse faire fuck out, man. Tu vas voir où ça fuck. Fait que là, les conditions que t'as au niveau de l'âme, ça fait que bien souvent, tu répètes jusqu'à temps que tu te fasses casser. Casser, c'est quoi, ça? Casser, c'est être plus flexible, plus mobile, plus en mouvement. Puis ils n'ont pas de limite, eux autres. D'une vie à l'autre, ils peuvent te casser à l'infini parce qu'ils ne veulent pas avoir de rigidité. Ils veulent du Kevlar. Vous l'avez déjà expliqué, ce point-là. Il y a quelque chose qui est fort, qui est excessivement résistant, mais qui est flexible, qui est mobile. Fait que ça, quand ils l'ont, ils sont bien heureux de, on va dire, entre guillemets, du résultat de l'âme. C'est comme, bon chien, tu vois ton morceau, tu sais, bon chien. L'âme, c'est bon chien. Il est gentil. Donne la patte. C'est bon, t'es un bon chien. Fait que l'esprit, c'est celui qui mène le show. C'est celui qui vous regarde, qui vous ouvre, vous démerdez dans l'obédit. Qui vous regarde faire les choses et puis qui dit, bon chien, t'as fait ça, là. OK? Je sais que c'est très frustrant parce qu'on voudrait tout le temps des demi-dieux. Mais c'est parce que la partie demi-dieu n'est pas ici. Fait que le seul temps où tu peux être demi-dieu, c'est quand tu penses. C'est pas dans ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est normal pour eux autres. Fait que même si tu fais des performances écœurantes pour ta mesure égoïque, pour eux autres, c'est là qui t'amène. Puis c'est rien, ils peuvent t'emmener plus loin encore que tu sais pas. Mais bon chien, lui, quand il a sauté 3 pieds, puis qu'il a réussi à ramasser le bâton dans les airs, il pense que c'est le bout de la merde. Alors que ce qu'il sait pas, c'est qu'un jour, il va avoir des ailes. Ça va devenir un cheval ailé, tu sais. Puis ça, il voit pas ça, parce que là, il est juste bon chien. Mais l'esprit, lui, vise à en faire un cheval ailé. Éventuellement un ange, puis éventuellement toutes sortes de petites patentes qu'on peut pas imaginer parce que c'est trop pour notre cerveau. Mais la point que je veux faire, c'est que l'esprit, il y a toujours des visées pour l'ego qui sont plus que l'ego, puis plus que l'ego peut l'imaginer. Et puis, si l'âme ne crée pas de résistance à l'esprit, sa lecture de ses engagements va passer à des lectures de vision. Puis quand tu es rendu à lire, tu sais, la nuance est fine, mais maudit qu'il aime. C'est wise, l'esprit. Quand tu t'amènes une vision, ils te disent, c'est pas de tes affaires. Tu vas faire ça, mais c'est pas de tes affaires. Tu vas vivre cette vie-là, mais t'as rien à faire. T'as juste à le faire. Mais t'as rien à penser à le faire. OK? Tandis que dans l'âme, lui, l'âme, il construit quelque chose. Ouais, moi, je vais faire ça, puis après ça, je vais faire ça, puis après ça, je vais arriver à ça. Puis quand je vais arriver là, je vais être à la retraite, puis là, je vais être un demi-dieu. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne de l'âme. Tandis que dans l'esprit, c'est, on va t'amener à la retraite comme on veut t'amener à la retraite. Fait que si tu as une vision des choses, tu vas voir ta retraite, mais tu vas savoir que tu la vis parce que c'est marqué, et non pas parce que tu veux la vivre de cette façon-là. Là, vous y voyez la nuance? Donc, ça veut dire que c'est tellement tout est marqué que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mais tu as juste à vibrer ce que tu as à faire. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent. C'est que tu vibres ce que tu as à faire. Quand à soir, vous êtes pratiquement personne. Je n'ai même pas assez de payer ma salle. Mais ils me le font faire pareil. Ils servent de moi comme canal. J'avais même pas le goût de parler. Puis là, ça, j'ai parlé depuis tout à l'heure. Ça fait quasiment 25 minutes que je parle. Puis je me sens pas lésé dans la dynamique. Je me sens simplement en vibration de faire ce que j'ai à faire. Vous me suivez? Donc, si je laisse l'esprit faire, je sens pas le temps, je sens pas de limitation, je sens pas de restriction, puis je m'adapte aux événements, puis ce que j'ai à faire, je le fais, puis quand ça va être fait, c'est plus entre mes mains non plus. Vous savez? Tandis que si l'homme regarde ça, il va dire « fuck all, je cancelle la salle, il va vivre de la frustration, il va vivre de la rébellion, il va vivre du choqué, il va dire « fuck all, si vous me donnez pas ça, moi là, si je cancelle, c'est fini. » Tu sais, je veux dire, ça c'est l'âme. L'âme, c'est toujours basé sur une insécurité, sur des conditions, sur des restrictions, ces choses-là. Fait qu'automatiquement, ces engagements sont conditionnels, tandis qu'avec l'esprit, les engagements sont sans condition. Okay, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, t'es-tu prêt à t'engager avec moi? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que t'es prêt à t'engager avec moi? Moi, personnellement, si j'allais répondre à ça, je dirais, je suis prêt à m'engager avec ce que la vie va m'obliger de faire avec toi. Je peux pas m'engager avec toi. Je peux pas me dédier à toi. Je peux dire que toi, t'es dans un événement avec moi. Puis de ce qu'on va vivre ensemble, ça va engendrer un courant d'action qui va faire que je suis aussi engagé dans l'action que je suis capable de répondre dans l'action à un développement personnel. Hein? Opérail. Là, c'est moins bon pour l'ego de l'autre. Va dire, ben c'est ça, tu m'aimes pas. Non, je t'aime pas comme tu penses que je devrais t'aimer. Mais si j'aime ce que je vis, ça risque de durer bien longtemps. Voyez-vous, non? Fait que là, à ce moment-là, l'affaire d'être possessif, contrôlant, dominant, ça n'existe plus parce que vous êtes plus engagé par rapport à une forme, vous êtes engagé par rapport à un mouvement. Tant qu'il y a du mouvement, il y a une possibilité de développement. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de possibilité de développement. Mais il peut y avoir un cadre restrictif avec des obligations qui deviennent à ce moment-là une prison dans laquelle l'esprit va se retirer progressivement parce que l'esprit ne supporte pas l'inertie. Fait que tu prends quelqu'un, tu l'emprisonnes, tu le mets dans un cachot, l'esprit va se retirer lentement du corps, puis il va mourir d'ennui, il va mourir d'inertie, il va mourir d'un manque de mouvement. Ce qui tue un être humain, c'est un manque de mouvement. Et le principal acteur du mouvement, c'est l'utilité. Pour ça, je dis tout le temps aux gens, soyez utiles, parce que quand vous êtes utile, vous êtes en mouvement. Puis là, l'esprit a une marge de manœuvre pour pouvoir vous mettre en relation. Là, à ce moment-là, si l'esprit s'engage dans un mouvement, ça équivaut comme à s'engager dans un tunnel, dans le tunnel, il y a une dynamique qui s'installe. Ou c'est s'engager dans un courant, dans un trend, dans une ligne de conduite ou une ligne de pensée. Quand l'esprit a une possibilité de se donner une direction dans un mouvement, il crée des échanges. Et c'est là que, quand quelqu'un dit « t'engages-tu avec moi », s'il fait partie de la ligne de mouvement, c'est pas avec lui que tu t'engages, c'est dans « ensemble, vous êtes engagés dans quelque chose parce que ça va de soi », tout simplement. Bon, ça veut dire quoi ça, librement? Librement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un courant nouveau, qu'il soit positif ou négatif, la personne ne refuse pas les tests de ce mouvement-là et est libre dans le sens qu'elle a une marge de manœuvre continuellement à traiter avec son intelligence, avec la situation. Moi, je suis souvent placé dans des tests que de l'extérieur, ça apparaît comme extrêmement négatif. Mais moi, personnellement, je vais me sentir très libre dedans parce que je me dis, ça fait partie de me donner du corps, de me donner de l'autorité, de me donner de la consistance dans ma parole, dans mon action, puis dans la direction que je suis capable de prendre. Donc, si je refuse le test, je me limite. parce que je me confine dans un mouvement, donc je perds ma liberté. Si j'accepte le test, même s'il est négatif, parce que là, les gens vont dire, ouais, mais quand c'est négatif, c'est pas bon que tu le vives. Ah, attention. Si le test, tu sais que tu peux le passer, tu prends le test, tu augmentes ta puissance d'action, ta puissance de concrétude, je sais pas si ça se dit, là, mais de force concrète, de consistance. Tu augmentes ça, ce qui te permet d'avoir accès à plus de mouvements. Donc, tu es libre. Tu es plus libre. Tu es plus libre à traiter avec des forces de contraction qui vont éventuellement te permettre de prendre des forces d'expansion. Mais tu peux pas prendre des forces d'expansion à l'infini si tu n'es pas composé avec des forces de contraction, parce que tu n'auras pas de consistance devant les forces d'expansion si tu ne traites pas avec les limitations. Tu sais? Quand tu comprends cette chimie-là, là, contraction-expansion, tu vois bien que tu peux pas prendre d'expansion tant et aussi longtemps que tu n'as pas développé la consistance en conséquence. Donc, ça devient très, très, très, très important pour un individu de comprendre les règles de vie du « c'est dur, c'est facile, c'est dur, c'est facile, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal ». Et quand il a compris ça, ben il comprend qu'il pleut, il fait soleil, puis qu'il faut qu'il pleuve de temps en temps, sans ça, il n'y a rien qui pousse, puis que le soleil trop longtemps, ça brûle les plantes, tu ne manges rien. c'est des questions. Est-ce que un engagement dans l'esprit veut dire une continuité? L'esprit, c'est immortel. C'est plus continuel que ce que l'âme est capable d'enregistrer. L'esprit fait des mouvements qui vont avoir des portées sur plusieurs vies. Tandis que l'âme, elle va faire des portées qui vont se limiter à ses intérêts. L'âme, sa plus grande portée, c'est avant de mourir. C'est tout ce qui va donner un résultat avant de mourir. Et c'est excessivement limité. On peut pas dire que 100 ans, si on parle du principe qu'une personne peut vivre 100 ans, on peut pas dire que c'est long. Puis on peut pas dire que ça a de la continuité. Parce que dans l'esprit, il y a un travail qui se fait sur l'individu, pour l'individu, et non pas pour une famille et pour une lignée, OK? L'esprit n'est pas intéressé à une lignée. Une lignée, c'est comme le secteur des horreurs dans les cassettes vidéo de chez Vidéotron. Ça, c'est une lignée. Il y a la lignée suspense, il y a la lignée horreur, il y a la lignée aventure, il y a la lignée pour enfants, tu sais. C'est des lignées. Mais c'est juste un paquet de cassettes, donc de programmation d'âme, qui font partie d'une lignée que quand toi, tu vas prendre la cassette, tu vas être dans cette lignée-là. Mais dans ta prochaine incarnation, ils peuvent te changer de lignée. Fait qu'il n'y a pas de permanence dans ce sens-là. Pour l'esprit, c'est ce que tu vibres individuellement qui va pouvoir se réutiliser dans une prochaine vie. Donc, conséquemment, le mot « engagement » vis-à-vis de l'esprit, ça a une portée vibratoire, mais ça n'a pas une portée formelle. Tandis que l'âme, elle a une permanence qui est basée sur la forme. Mais comme forme, toute forme se fait détruire un jour, elle a donc une impermanence par le fait de sa destruction. T'as répondu à la question? D'autres questions? Moi, tu te parlais tout à l'heure qu'un engagement dans ta vie, c'est un engagement, une mission. Cet engagement-là, c'est le niveau de... Comment tu fais pour le trouver, cet engagement-là? Tu regardes ce que tu fais, puis ce qui te motive. Ce que tu vibres, c'est lié à l'esprit. Ce que tu penses, c'est lié à l'âme. Fait que tes pensées peuvent limiter la vibration, mais une vibration, c'est toujours plus fort que la pensée. Donc, conséquemment, peu importe la nature de tes pensées vont te donner un cadre, mais ils ne te donneront pas de motivation. Ce qui te motive, c'est lié à l'esprit, parce que c'est lié à une vibration. Fait que tes motivations, ça dépasse le goût de. Le goût de, c'est très, très temporaire, le goût de. Mais une vibration, c'est très, très puissant. C'est une vague de fond qui peut te faire faire des choses pendant des années, qui va se servir d'une forme pendant des années, ou qui va se servir d'un événement pour poser des actes de courage que tu n'aurais jamais imaginé. Fait que quand t'es dans une vision, en général, t'es dans des rapports avec du monde, qui ont un besoin de ton utilité à tout prix. Tu es comme essentiel dans la vie de ces gens-là. Fait que ton utilité n'est pas négociable. Tandis que dans l'âme, tu vas avoir des compétences, mais pas nécessairement une utilité. Donc, c'est négociable. On va te négocier un salaire sur une compétence. On va te négocier un temps de contrat sur une compétence. Mais c'est négociable. C'est-à-dire que dans une vision de ton mandat, c'est pas négociable. Moi, je dis, je suis un développeur, c'est pas négociable. Tout ce que je fais dans la vie, c'est tout axé sur le développement. Mais j'étais comme ça, j'avais 14 ans, puis je suis rendu à 60 ans, puis j'étais encore un développeur. Quand j'embarque dans une carabine, j'ai pas été capable de faire... Regarde, Gilles, il est dans une carabine, puis dans les armes. Il a jamais développé sa crise de vie. Il fait ça pour lui, point final. Moi, je suis pas capable de faire ça juste pour moi. Je suis obligé de m'en aller vers un développement. T'sais, faire des compétitions, organiser des affaires, papa, avec une visée de développement tout le temps, pas juste du loisir. Comment ça? Fait que c'est comme ça te pousse dans le cul l'esprit tout le temps. Peu importe la forme que tu utilises, ton mandat va toujours être le même. Pardon? C'est le fond de la personne. C'est ce qui fait que la personne est en vie. Tu sais, quand je dis tout le temps, si t'es pas mort, il y a une raison. Ben, la raison qui fait que tu meurs pas, c'est la vision absolue de l'esprit dans l'utilisation de ton ego puis de ta programmation. C'est ça. Mais c'est pas... Pour de l'ego, c'est difficile à palper parce que l'ego, lui, il veut toujours comment encadrer ça puis donner une valeur matérielle à ça. Mais des fois, t'as une fonction qui est bien occulte et puis... qui n'est pas nécessairement lié à... C'est pas tradable. Tu sais, tu peux pas faire un échange avec ça. Tu peux pas dire... tu sais, j'étais avec Claire hier, elle dit, j'ai-tu amélioré ta vie? Je dis, écoute bien, là, fais ça bien simple. Si tu me ferais chier, tu serais même pas assis devant moi. OK? Fait que, en quelque part, il y a d'autres choses. J'ai dit, t'es cute. C'est important pour un homme, la beauté. Tu peux être bien excité, mais pour moi, si je lis ça comme une drive, c'est drôle. Fait que c'est plutôt que rester chez nous avec le silence d'une maison habitée par les chats. J'entends bouger quelque chose qui parle de choses qui m'intéressent pas, mais ça bouge, tu sais. Fait que je dis, si ça te suffit comme réponse, ça va. Mais si t'en veux plus, non, je trouve pas que t'as changé ma vie. Tu sais, si l'ego cherche à s'encadrer pour se donner une valeur, moi, j'ai pas intéressé à donner de la valeur et me faire chier dans deux semaines. Ah, ben, je vaux ça dans ta vie, no fucking way. Je suis pas nono, là. Fait que je me dis, c'est le fun, là. OK? Ça veut pas dire que tu vas pouvoir faire ce que tu veux de mes vies en pensant que tu as une valeur de changement dans ma vie. Tu comprends? Le jeu de l'ego, c'est de toujours essayer de te pogner en quelque part pour te dire, tu me dois ci, tu me dois ça, puis tu sais, comment ça veut dire? Tandis que l'esprit, lui, il va avoir ça libre. Il veut ça libre. Libre, ça veut dire que, bon, là, gars, ça va bien, on est bien, là. Bon, OK, il faut se pas là. Tu sais, là, si, après un souper, j'ai 4 téléphones me faire compter ta vie. Non, j'ai pas aimé mon souper, pas tout. J'ai pas évolué. Comprends-tu? Fait que c'est ça. Parce que là, c'est plus, tu sais, c'est genre, c'est comme si je te devais quelque chose. Là. Oh, minute. L'âme est un vampire. Ben non, il n'arrêtait pas de me le dire. L'âme, c'est des voleurs. Tout le monde de l'âme, ça vole. C'est toujours en train de voler, violer, forcer. C'est restrictif, l'âme. Tout le temps. Le monde veut tout le temps te pogner dans des mouvements de système de valeurs. C'est l'âme, ça, qui fait ça. L'esprit, lui, t'es bien. Quand tu respires, ah, ça sent pourri. Rends ça, toi. Tant que tu n'as pas pris une bonne pof, tu peux pas le savoir, tu sais. Fait que de l'esprit, il va dire, ben écoute, là, si t'es pas bien là, change de place, va-t'en, là. La beauté de l'esprit, c'est sa mobilité. Tandis que le caractère démoniaque de l'âme, c'est de toujours chercher à donner de la valeur. À chaque fois que tu donnes une valeur à quelque chose, t'emprisonnes du soleil, t'emprisonnes du mouvement. Tu sais. D'accord. Par contre, il faut toujours que tu partes du principe que l'âme, tout le monde en a, puis tout le monde, c'est des bons chiens-chiens. Ils veulent toujours manger un os. Ça regarde une vie d'un animal, c'est manger, dormir, chier, évidemment. Puis c'est pareil pour l'être humain. Dans l'âme, il veut toujours avoir une consommation d'énergie. Tu l'attires tout le temps avec un anane. Il n'est pas capable s'auto-évoluer. Il veut toujours se faire évoluer, se faire vivre de l'évolution. Il n'est pas capable de s'auto-évoluer, c'est-à-dire il va s'auto-évaluer, mais il n'est pas capable de s'auto-évoluer. Il n'est pas capable de se trouver les paramètres de sa propre évolution. Il va toujours chercher des paramètres à l'extérieur. Exemple, il aime le golf, il a la vibration de jouer au golf, puis là, il va commencer à se mesurer avec des joueurs de golf, puis des fois, des joueurs très professionnels de golf. Fait que il se fait évoluer par les autres. Il s'auto-évolue pas. Tandis que si un gars est dans l'esprit, il a le goût de jouer au golf, il joue au golf, puis il va chercher des petites techniques pour améliorer son jeu de golf, mais il est pas omnibulé par le joueur de golf pour être comme le joueur de golf. Il veut pas être comme l'autre. Il veut avoir le plaisir de faire ce qu'il veut vivre. Il garde sa liberté de mouvement là-dedans. Comprends-tu? Puis à un moment donné, il découvre que, ah, grâce à ça, les autres, ils vont dire, bah, t'es bon. Ouais, t'es bon. Merci. Puis il continue de jouer à ses affaires. Il s'auto-évolue. Tandis que les autres vont vouloir qu'il s'évalue. Mais tu sais, s'évaluer puis s'évoluer, c'est pas pareil, là. Très différent. Très, très, très, très différent. Bon, ben, dans un processus, moi, j'ai toujours dit, les gens qui veulent vivre à deux, faites-vous évoluer. C'est la meilleure garantie que tu as d'envie d'être avec un autre pendant 1000 ans. Parce que tu fais évoluer, mais tu forces pas l'autre à évoluer. Il a le goût de faire telle chose, puis tu l'accompagnes dedans. Moi, j'ai accompagné mon gars dans son évolution, puis il m'a donné, il avait besoin de moi, il fait des affaires. Là, il y a eu un petit moment dur, là, puis là, il est venu me revoir, tu sais, pour comme faire un bilan, là, parce que il sait que j'ai une vision parfaite d'un événement. Il dit, qu'est-ce que tu vois dans mes affaires? Bon, OK, oui, ça. Mais c'est pas une raison pour que ça te mette à terre, pipi, papa. Puis, qu'est-ce que tu vois dans mes planètes? Ben, je vois que si tu te rends à l'automne, de que... il va dire, moi, t'as fait jusqu'à l'automne. Il y a comme une, marge. J'ai tout le temps donné des marges, puis il était toujours correct. T'sais, telle marge te donne tel résultat que tu peux enligner. T'as la vie de tes pensées. Fait qu'arrange-toi de penser, pas positif, mais penser action dans le négatif. Ton négatif, tu vas passer à travers. C'est un test que tu passes là-dessus, final. La vie, pour moi, c'est juste des tests. Puis de temps en temps, ben, t'as des nananes avec ça. Mais la vie, c'est un test, ça anyway. Il n'y a pas à retenir les choses. Quand une chose est finie, finie. C'est quand tu manges, toi, là, t'enlèves l'emballage, tu ne manges pas l'emballage. En tout cas, pas une palette de chocolat, en aluminium, ça va là. Tu manges pas ça, tu manges la palette, mais tu manges pas l'emballage. Il y a du monde, on dirait qu'ils veulent tout avoir. Manger l'emballage, manger le comptoir de la... Tu sais, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est ça. Oui. Vas-y. La vibration de l'âme, comme nous avons, elle a des pourcentages qui sont plus importants pour certains que pour d'autres. Il y a des gens qui sont plus animaux que d'autres. Étant plus animal, ils sont nécessairement plus dans l'âme. Fait que le paramètre est exclusivement axé sur l'intérêt que les animaux ont, qui est des vies grégaires, leur autosatisfaction. Puis prends la réflexion, là, puis rentre-la dans tous les secteurs d'activité qu'un être humain a. Tu vas voir que tout est pensé, parce que réfléchir, c'est se tourner vers soi. Tout est pensé pour emmener vers soi. Tout le temps. Puis faire de l'accumulation. C'est ça, un animal. Fait qu'il y a des gens qui sont nécessairement plus animaux que d'autres, ça va de soi. Puis qui sont, quand c'est très, très, très animal, ils volent aux autres. Ils échangent pas avec les autres. Ils les enlèvent quelque chose. Ils volent. C'est quoi ta question? Il faut arriver à avoir de l'expérience pour pouvoir détacher l'esprit puis l'âme. Non, c'est pas de l'expérience qu'il te faut. C'est des chocs. Dans un choc, c'est là que la séparation... C'est là que tu vois ton âme, dans le choc. Parce que tu vois tes peurs. Tu vois ton animalité. Tu vois ta réflexion. Mais s'il n'y a pas de choc, tu peux pas voir l'esprit. L'esprit, c'est comme un éclair. C'est d'une vitesse épouvantable. Un animal est bien trop lent pour voir ça. Même des gens en situation de choc, ça a trop de percussions pour qu'ils voient quelque chose. Parce qu'il faut que tu aies des paramètres, de base pour être capable de lire quelque chose. Il faut que tu aies un langage. Les gens n'ont pas le langage dans un choc pour pouvoir dire « Ah, grosso, ma pensée se dédouble. » Ils vont dire « Je suis schizophrène. » Mais ils ne pourront pas voir dans le dédoublement de leur pensée qu'il y a une pensée qui est périphérique, puis il y a une pensée qui est vibratoire, qui est pulsée par une vibration. Mais quand quelqu'un est capable de voir qu'il y a une pensée périphérique, bien, il sait ce qui l'influence. De la culture, c'est de la pensée périphérique. Ce qu'un autre te dit, c'est de la pensée périphérique. C'est pas de la pensée pulsée par ta vibration, par ta source. Fait que, être capable de voir les nuances, c'est énorme de voir la différence entre une pulsion de ta source puis des conditionnements extérieurs. Moi, quand je t'ai dit une fois, t'es ben trop conditionné, écoute, c'est ça qui va te rendre malade, tes conditionnements. C'est ça qui va limiter ton être. Tes conditionnements. C'est ça qui va limiter ta mobilité. Là, comment ça fait l'être pour se débarrasser de ça, pour que ça ait des chocs? Pas de choc, pas de conscience, je vais dire comme mon chum. Parce que dans le choc, tu vas voir ton dédoublement. Tu vas dire, ah non, ça, je suis tombé folle. C'est pas toi qui es folle, c'est les conditionnements qui te rendent folle. C'est pas pareil. Ça te limite, ça te restreint. Fait que là, à un moment donné, tu vas dire, wow, si je me défais pas de ça, moi, là. Je suis dans la merde. Pourquoi tu penses que la carabine, je pousse ça? C'est parce qu'il y a de l'explosion. À chaque fois qu'il y a une balle qui part, là, ça fait baboum, là, la personne elle a un choc. C'est un choc qui vide le coco. Quand tu as fini de tirer 10 balles, tu as eu 10 explosions, 10 chocs qui enlèvent la capacité de penser. Merveilleux, parce que là, tu es réellement sur la vibration. Si tu réussis à penser après 10 balles de 30-06, là, tu vas dire t'es fait fort. Ou t'as de l'ego en esti. Parce que c'est des chocs, baboum, baboum, baboum, baboum. Puis là, à un moment donné, le coco, là, il est comme bien stone, là, il vient dégager. Dégager. Le mot exact, c'est dégager. Moi, j'aime ça parce que ça dégage. Toute influence astrale autour de toi, là, c'est dégager. Il te reste juste qu'est-ce que tu vibres. La principale raison pour que je fais du tir, c'est ça. Puis que j'essaie de le faire partager, c'est ça. C'est pas grand monde qui est capable de voir ce que je veux faire avec ça. Question? Ben, j'ai une fois que j'ai l'esprit qui me décide de se connecter avec toi. Ben, je dis, écoute, c'est pas un ordinateur qui va se plugger avec lui-même. Hein, ça m'entend? C'est l'esprit qui est extérieur à l'ordinateur qui va faire les branchements, puis qui va mettre l'installation du programme, puis qui va choisir son computer. À la source, c'est l'aspect immortel qui définit la zone mortelle. C'est toi qui choisis ta cassette vidéo chez Vidéotron. Bon, c'est ça. Parce que, comme vendredi, quand j'étais dans la l'adresse du centre de tir, puis j'avais mon cellulaire, puis là, je n'arrivais pas à le trouver, mettre 25-01 presque dans le Google Maps. Puis à un moment donné, là, j'avais plus d'intérêt, puis ça a parti, mes mains ont marché, puis là, j'ai trouvé. Là, je me suis rendu compte que c'est vraiment eux autres qui décident, OK, ils peuvent te plugger, ça n'a rien à voir avec l'intérêt. Mais ça fait des années, j'en parle. Je suis bien content que tu aies allumé là, mais. Ça fait quand même des années que j'en parle. Bernard en a parlé, moi j'en parle. Ils font juste de temps en temps. Ils font tout le temps, c'est juste que là, tu t'en es rendu compte. Pour moi, c'est... Écoute... Moi, c'est la vie, ça, là. Ça veut dire que quand tu t'engages, tu suis le chemin que toi-même... Ben, si tu répètes ce que je t'ai dit, alors j'ai dit c'était une vision. T'es dans une vision. T'es pas lié à un engagement basé sur un conditionnement, là. T'es pas conditionnel. T'es pas conditionné. Ça suit une ligne de vie. Moi, je suis dans ma ligne de vie. Puis je suis aussi engagé que les gens qui rentrent sur ma ligne de vie sont sur ma ligne de vie. Dans une vision, il y a automatiquement tout le monde avec qui tu vas échanger jusqu'à la fin de tes jours. Ben oui, tout est marqué. Si tout est marqué, tu es dans un relationnel, on va dire un relationnel imposé. Tu sais, je peux pas dire, moi, je veux plus avoir cette personne-là ou ci ou ça. Tu sais, elle va me coller dans le visage tant qu'elle va avoir son utilité dans ma structure de vie. Il y a eu une étape de ma vie où je voulais quelque chose, et puis ça se passait comme eux autres voulaient. Jusqu'à temps que je me rende compte que si je m'enlignais sur ce qu'ils voulaient, j'avais plus rien à vouloir. Mon problème, c'était que je voulais quelque chose. Là, j'ai arrêté de vouloir quelque chose, puis là, ça veut des affaires que j'aime. C'est drôle. Fait que, tu sais... Ils me font regarder ma vie, ils me disent, regarde, t'as ça, t'es bien, t'as ça, t'es bien, t'as ça, t'es bien. C'est vrai, moi, dans le fond, c'est à bien de sens. Mais vous autres, vous essayez de vouloir des choses sans savoir les conséquences de ce que vous voulez. Jusqu'à temps que vous compreniez qu'il y a quelque chose de bien plus intelligent dans vous autres qui sait exactement ce que vous avez besoin. Puis qui vous organise pour vouloir des affaires simples, pas ci, puis pas ça, puis pas trop compliqué, puis... Tu sais. Vous avez une façon de faire les choses. Parce que vous avez un programme. Puis ton esprit, il connaît le programme. Ça sait faire. C'est lui qui pitonne. Ouais, question. Mais les fois, quand ils se manifestent, là, pensez pas qu'ils font l'affaire de votre ego, hein. Sortez-vous ça du coco que c'est des anges protecteurs. Ah non, c'est des bourreaux, Steve First, qui vous mettent sur une traque toujours pour vous faire vous dépasser. Tout le temps. Peu importe l'âge que t'as. Moi, je vois pas le bout qu'ils vont arrêter avec moi. Là. Des fois, je dis, hey, je suis fatigué, hein, inquiète pas, on te connaît. Fatigué, là. Fatigué. Écoute, je m'en vais voir André avec Boivin, puis je dis, j'ai juste 2 heures et demie de sommeil. Il dit, check bien, tu vas être en forme. Il dit, tu vas tomber quand tu vas revenir. Comme de fait, quand j'ai débarqué au Tim Hortons à Saint-Jérôme, s'est endormi dans le char. Ils me connaissent parfaitement. Parfaitement. C'est pas l'ego qui rend le show. Non, mais il faut vraiment que vous le sachiez. Moi, je le sais. J'ai pas moi, dans le fond, ce que je pourrais vous dire, j'ai pas le plaisir de le découvrir. Je vous souhaite de vivre le plaisir de le découvrir. Mais moi, je le sais que ça marche de même. Fait que je m'inquiète pas. Dors pas, si, ça, ça. C'est comme tout à l'heure, j'ai manqué, je sais pas, 10 minutes de quelque chose. Là. C'est mon ego qui est encore là. C'est pas eux autres, ils continuent, il n'y a pas de problème. Tu peux parler jusqu'à 2 heures du matin si tu veux. Il n'y a rien là. L'ego, il est toujours dans une mesure par performance. Ah, j'ai fait ça, donc je mérite ça. Pour les fois, ce que tu mérites, là, ça n'a pas de rapport avec ce que ton petit ego veut. Ce que tu vas avoir, c'est ce qu'il faut que tu aies. Là, tu vas me dire, ouais, mais je ne veux pas que ce soit trop négatif. Mais si tu ne veux pas que ça soit trop négatif, boque pas trop. Parce que si tu crées de la résistance, tu vois ça qu'ils sont capables de te casser là, dans les... Ils sont capables de te rendre malade, ils sont capables de faire n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hey, je t'ai pris avec les puces, moi, depuis un mois. Là. C'est quand on va te sortir de la maison, ça. Il dit, t'as un problème de circulation du sang dans les jambes, puis ils vont s'arranger pour que tu te frottes. Je me suis frotté les jambes d'aplomb. Puis là, quand j'ai eu, en tout cas, je pense que je me suis assez gratté, là, parce que j'ai dit, j'ai les jambes au vif, à 100, là, tu sais. Tout graffiné de partout, là. Fait que là, ils ont dit, ouais, là, c'est assez. T'avais été arraché à la peau, ses os, là. Ah, puis de puce. Ils ont sorti les puces de la maison. Faut le faire, Nasty. Ouais. C'est eux autres qui mènent tout. Obama y compris. Regardez la politique à travers leurs yeux, là, c'est très, très, très différent de ce que vos analystes préférés peuvent vous dire. Tu as une vision évolutive de la planète. Tu n'as pas une vision, on va dire, technologique ou politique de la planète. Essayez de voir comment est-ce qu'ils peuvent rééquilibrer la distribution de la richesse au monde. En ayant tout à fait. En affaiblissant les riches. Un pauvre, là, il est habitué de vivre dans la misère. Puis lui, tu sais, crise, pas crise, là. Manger des patates, c'est toujours manger des patates, hein? Puis après, il fait pousser ses hosties de patates. Je vis dans un monde, là, que tu les regardes, puis tu vois bien qu'ils ont passé leur enfance à manger des poches de patates. Ils ont ça dans le visage, la pauvreté. C'est hallucinant comment ils réussissent à être heureux avec des pedigrees de pauvres. Moi, je pense, des fois que je suis pauvre, il y en a des pauvres dans mon coin, là, c'est hallucinant. Eux autres, quand on leur dit ça va mal, qu'est-ce qui pourrait plus aller mal que de manger des patates? En tout cas, c'est drôle. C'est les riches qui vont manger à la claque. La distribution de la richesse, là, va se faire là, là. Arrêtez de vous inquiéter. Apprenez à vivre avec le mal. Apprenez à vivre avec les difficultés, les restrictions. Apprenez à vivre avec ça. Ça va être votre meilleure garantie est là-dedans pour vous protéger. Question? Ben là, je regarde ce que tu dis. Tu dis, apprenez à vivre avec les restrictions. Et en même temps, tu as dit au choix de rester cohérent. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut être cohérent pour vivre avec des restrictions. Il y a tout le temps des restrictions et de rester cohérent. Ben oui, c'est ça, ça va ensemble. Soyez fait fort. Il faut être connecté avec eux autres. La seule chose qui peut te garder cohérent dans la vie, c'est la vibration. Parce qu'il arrive à un stage que tes systèmes de valeurs s'effondrent. Quelqu'un crise, quand tes systèmes de valeurs s'effondrent, il te reste quoi, là? Non, il reste beaucoup de choses. Il reste la vibration. Ah oui. Ça, c'est pas intellectuel. Ah non, sinon. Non, c'est pas raisonnable. Intellectuel, oui, parce qu'il va toujours te rester un certain facteur de calcul, de mesure, ces choses-là. Mais je regarde Claire cet été, là, ils ont fait passer le déraisonnable. Mais à chaque fois que là, c'était nécessaire, là, ils l'ont aidé. Mais moi, j'ai connu ça longtemps, j'ai connu ça des années de temps. C'était pas raisonnable, le stress que j'avais, ces choses-là. Mais là, quand j'étais sur le bord de craquer, là, m'en de la main, là, il m'envoyait ce qu'il fallait là, pour le. Petite pompe d'air, là, petit roseau là, qui sort de l'eau. Ah! Tout bois de l'eau, là, t'avais de l'air. Apprenez à vivre. Apprenez à vivre avec ça. La cohérence, là, c'est pas une affaire d'aisance puis de facilité. Hein. La cohérence, c'est notre besoin quand ça va mal. On n'a pas besoin quand c'est facile, ça, c'est facile. Tu as de l'argent pour payer ton McDo, là, pas de trouble. Quand tu n'as pas, puis qu'il faut que tu casses ton 20, tu ramasses des scènes, là, puis des fois, je m'en vais chez McDo, là, j'ai 7 piastres de scènes. Je peux pas m'acheter plus qu'un Big Mac, parce que si je prends un double Big Mac, il me manque un rouleau de 50 cents. Oh, jamais, jamais. Au contraire, je me sens Goldorak, je me sens extraordinaire, moi, là. Quand je suis capable de faire ça, astille, c'est les meilleurs bouts de ma vie, ça, là. Je fais ce que les autres sont pas capables. Je me dévalue pas. Au contraire, je me sens supérieur. Et de loin, amenez-en des petits riches, là, tu sais. Pour moi, c'est tout des moumounes. Quand je regarde quelqu'un se plaindre, là, parce qu'il n'a pas eu son skidoo cette année, là. Je suis mort de rire, moi, là. C'est des moumounes. Il y en a, c'est une moumoune sur la planète. Oh, gna, gna, gna, gna. Ils m'ont baissé mon salaire à 800$ par semaine. Pauvre chien, tu fais donc pitié. Ils ont regretté, là, tu as des puces dans le coco. Des mamins. Vous saviez à quel point vous êtes entouré de mamins. Hallucinant. Ça veut dire que quand tu es dans le trouble de même, si tu dis... C'est le temps d'être fort. C'est le temps d'être cohérent. C'est un bon test à la cohérence. Hey, c'est dur, là. C'est vrai, là. C'est pas peut-être, là. T'es dedans, là, bonhomme, là. Quand est-ce que tu sais qu'un gars va t'aider dans la vie? Un gars, moi, ce que je vois, tout est basé sur l'argent. Ouais, ça, c'est une bonne base. Pourquoi que tout est basé sur l'argent? Parce que c'est des échanges clairs, le cash. Arrêtez de chier sur l'argent parce que c'est la seule bidule sur la planète pour rendre les échanges clairs. C'est clair que le cash. Là, chez moi, du sentiment, là, c'est pas évaluable du sentiment. Je t'aime, ça vaut combien ça, je t'aime? Je t'aime, mourir. Je me souviens d'un gars que mon ex-femme, Monique, il paye un manteau de 1 200. La semaine d'après, elle dit, il faudrait que j'aille des nouveaux verres de contact à 200. Tu te les payes, là. Mais il avait payé le manteau. Parce qu'il sortait avec. Puis il voulait pas qu'elle s'habille comme la vache à jarre. Je. Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Reset. Siège éjectable. Elle a cassé, là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné des beaux cadeaux. Elle dit, ton chant, ton hostie de manteau, t'es clair. Elle dit, mon ex-chum m'a payé mes verres de contact. Ouais, c'est bien moins cher que le manteau que je t'ai donné. Ouais, mais qui sait, je jouais clair avec le. Je jouais clair avec les verres de contact, je jouais rien avec ton astuce de manteau. Et c'est aveugle, elle, c'est l'enfer. Tu sais, si il aurait dit, écoute, j'ai 1 200 à mettre sur un manteau, je vais te le donner en argent. Hein? Tu fais ce que tu veux, tu le gères, là. Ben non, il perd le contrôle, petit cul. Moi, j'ai aimé bien du monde dans mes vies. Hein. Je te rendrais dans le facteur essentiel. Prendre les bonnes décisions, voir clair, les laisser libres. J'ai aimé des centaines de personnes, autant du côté masculin que féminin. J'étais un hybride. T'es hybride, ben avant, moteur hybride. On ne savait pas ce que c'est l'amour. Ils vont s'engager. Ben oui, t'as peur de la perte. C'est sûr qu'il faut t'engager. C'est bien que quand quelqu'un s'engage, parce qu'il y a un intérêt en quelque part. Quand je parle au niveau de l'âme. On peut dire même qu'au niveau de l'esprit, on s'engage. Parce que le mot n'était pas pris. Il faut utiliser des termes pour l'ego, parce que comme je te dis, c'est un CD qui est fait pour écouter pour d'autres personnes qui, eux autres, vont lire au niveau de l'âme. C'est sûr que quand tes lectures se font toutes au niveau de l'esprit, on ne peut pas dire que tu es engagé dans le sens d'une volonté d'engagement. Tu es engagé par le fait d'être venu au monde. C'est un engagement obligatoire par le simple fait que tu ne veux pas mourir. Tu viens au monde, puis là, c'est les forces qui t'ont engagé dans un plan de vie. C'est dans ce sens-là que tu es engagé. Mais si tu le regardes du point de vue de l'ego, c'est des séquences. Ils vont te faire vivre la perception égoïque, c'est que tu t'engages par séquence. Parce que l'ego veut absolument avoir l'impression de contrôler sa vie. Fait que pour contrôler sa vie, il faut qu'il décide de s'engager. Alors qu'en réalité, les forces t'ont dit que t'es venu au monde, man, tu vas avoir, je sais pas, 45 ans de vie, 100 ans de vie. Puis tout ce temps-là, t'es engagé dans le corps que t'as là, puis tu vas avoir à vivre avec tous les événements qui vont, avec ce que tu vibres. Dans ce sens-là, qu'on peut parler d'engagement au niveau de l'esprit. C'est pour ça que je dis, c'est une lecture d'une vision quand tu es dans l'esprit. C'est, tu vois ce que tu es obligé de faire. C'est ça qui est l'esprit. Il n'y a plus de choix à ce niveau-là. Là. Tandis que l'ego, lui, pour se donner l'impression d'être le boss, il se crée des engagements factuels parce que, bon, hein, ça, j'ai le goût de m'acheter tel char. J'ai le goût de vivre avec telle personne. J'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça. Tu sais, écoute bien, si tout est marqué d'avance à ta naissance, ce serait paniquant pour un ego de voir à quel point tout est marqué. Il y a une game qui se joue avec le langage, avec les idées, avec les systèmes de valeurs. Moi, quand j'ai des besoins financiers, je dis aux forces, je dis, telle date, là, si je fais pas ça, ça, ça, ben, ça va être ça, ça, ça comme conséquence. Puis vous le savez. Fait qu'arrangez-vous pour délivrer. Là, il me manquait 500 piastres la semaine passée. PayPal, il y a un gars qui m'a envoyé 550 piastres, je vais avoir 50 CD. Ah, alors ça, ça vient de régler mon compte. Il faut qu'il délivre. Moi, je suis la marionnette au bout, là, qui est pris dans, un peu comme Stallone, là, dans Rambo, là. Que si j'ai pas l'hélicoptère, ils vont me faire tirer. T'sais. Vous voulez qu'ils me fassent tirer? Tirer! À un moment donné, t'as eux autres à faire la game, là, à faire penser à quelqu'un, à vouloir acheter ou me faire financer, ça, what? Eux autres sont responsables de l'engagement, là, dans le sens social du terme. Pas toi qui penses, là. Sais-tu, c'est pas moi qui pense, pas toi qui penses, pas un paquet d'autres qui pensent. Faut qu'ils me gardent de bonne humeur aussi, là. Parce que je suis toujours un chien-chien, moi, là. Nous, non, on est quand même des observateurs de, quand même de la vie que tu as. Ouais. On considère qu'on a eu des difficultés, juste comme ça. Pourquoi est-ce que c'est vraiment la limite de la limite, là, d'après, je veux dire, t'es complètement dépendant, moi, en fait. Vous aussi. Oui, je sais, mais ce qu'il y a, c'est que tu dis, j'ai pas de temps, débrouillez-vous pour que je me trouve, bingo, il y a juste qu'il arrive. C'est pareil pour vous. Moi, étant donné que j'ai plus de capacités, mes tests sont plus gros que les vôtres. Tu lis tout ça. Nous, on commence un peu à lire, choses comme ça. On c'est voit ça. Que la... Vous savez ce qui vous attend? Ben. Vous allez passer par là. Peut-être pas dans ce vie-ci, là. Sauf que vous n'avez pas assez de temps pour passer ça, là. Mais vous allez passer ça, c'est sûr. Dans d'autres vies, peut-être. Il y a une compagnie qui s'appelle Dell. Ils font des ordinateurs. Ils n'ont aucune pièce en inventaire. C'est first in, first out. C'est la technique d'inventaire qu'ils ont trouvé qui était la plus efficace. Dès que tu commandes un computer, les pièces qui sont nécessaires à la fabrication du computer sont commandées instantanément à leur fournisseur. C'est le fournisseur qui envoie la pièce pour faire le computer le lendemain. Et l'ordinateur est fait dans les 3 jours qui suivent ta commande sans qu'il n'y ait aucun inventaire de pièces. C'est ce qui a fait la fortune de Dell. Dell est devenu un des grands vendeurs d'ordinateurs par la poste en n'ayant aucun inventaire d'ordinateurs. C'est bien, hein? C'est comme ça que les forces travaillent avec nous autres. Ils ne tiennent pas d'inventaire de mémoire. OK? Puis quand toi, tu as un besoin, tu vibres ton besoin. Puis là, ils appellent les fournisseurs. Sur ton besoin, il y a un appel aux fournisseurs. Puis là, il y a un événement qui se présente pour remplir ton besoin. Puis s'il faudrait que la chaîne de montage coupe, tu mourrais. C'est bien, hein? On apprend à vivre comme ça. First in, first out. C'est ce que j'ai à faire pour déjeuner demain. Je vais faire 2 CD à soir, pas édité. Je vais aller voir Madeleine demain. Je dis, Madeleine, tu veux savoir 2 CD de la conférence? Tu me les as demandé hier. Elle va dire oui, elle va sortir 30$, puis je vais aller manger. First in, first out. Moi, vivre de même, je me sens pas magané par tout. Êtes-vous capable de vivre comme ça? Pas de suite, pendant quelques années. C'est ça. C'est pourquoi vous avez des valeurs, vous autres. Vous ne voulez pas avoir de l'air de quelque chose. Moi, perdre la face, je ne connais pas ça. Moi, dans mon petit monde, là, je suis avec les forces. Puis les forces me donnent ce que j'ai besoin. Point final. Ce dont je me rends compte, c'est qu'on est né avec des tas de on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Ce que c'est qu'après, on sait qu'on peut, on peut pas. C'est ça. Moi, je pense que c'est pas une histoire de pouvoir, c'est une affaire de pas se fucker le coco avec des pensées. Vous autres, vous pensez, vous pensez, vous pensez, vous pensez. Vous passez votre vie à comparer votre vie avec d'autres, que ça vous fait penser des besoins que vous n'avez pas. Si tu penses pas par rapport à, je sais pas, moi, j'ai une carabine, tu sais, j'en ai quatre chez nous, là, c'est assez, là. Là, pourquoi tu en voudrais un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre? On va commencer de tirer ceux-là, là, assez. Il y a du monde, c'est de la boulimie qu'ils font. Ils font de la boulimie, c'est tout ça, la bebelle. Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, je veux être ça. C'est pas... Vouloir ça, c'est des produits. Ça, c'est pas pire. Mais vouloir être ça, aïe, c'est quelque chose. Ça reste au niveau de la consommation. Ben, tout le temps. Vouloir être, là, c'est de la consommation. C'est ça. Alors que t'es là, là, tu fais quelque chose, tu fais les dons. C'est tout, that's it. Et non, c'est pas assez. Non. Je veux être ça. Je veux un diplôme. Je veux ci, je veux ça. En fait, ce que le monde veut, c'est de l'attention sur les personnes.